Chapitre 5e, une terrible transformation. Ces tristes réflexions troublèrent si fort le roi Midas qu'il en était arrivé à se demander si, après tout, l'opulence est le seul bien désirable de ce monde, ou même si c'est le plus désirable. Mais ce n'était là qu'une idée passagère. Fasciné par l'éclat du précieux métal, il aurait encore refusé de renoncer au toucher d'or pour une considération aussi mesquine que celle d'un déjeuner. Vous représentez-vous, mes petits amis, l'étendue d'un pareil sacrifice? Il lui en aurait coûté des millions de millions, tant de millions que l'éternité ne suffirait pas à en faire l'addition, pour avoir une friture de truite, un œuf à la coque, une pomme de terre, un gâteau et une tasse de café. Néanmoins, il avait tellement faim, et son inquiétude était si grande, qu'il ne cessait de gémir tout haut et de la manière la plus pitoyable. Notre gentille petite Marie ne put se retenir plus longtemps. Les yeux fixés sur son père, elle cherchait de toute la force de sa jeune intelligence à s'expliquer ce qui pouvait lui être arrivé. Enfin, poussée par l'inquiétude et l'affection, elle quitta sa chaise et, courant à Midas, lui passa les bras tendrement autour des genoux. Lui se baissa et l'embrassa. Il sentait amèrement combien l'amour de sa petite fille valait mille fois plus que tout ce qu'il avait gagné par la faculté surnaturelle dont il se trouvait doué. « Cher bijou, ma bien-aimée » s'écria-t-il. Mais Maridor ne répondit pas. Hélas, qu'avait-il fait? Quel don fatal lui avait accordé l'étranger? Au moment où ses lèvres avaient effleuré le front de l'enfant, une métamorphose s'était subitement opérée. La figure de Marie, tout à l'heure si fraîche, si pleine de grâce et de tendresse, avait pris une teinte jaune et brillante. Ses larmes s'étaient congelées le long de ses joues, et les beaux cheveux bruns qui retombaient sur ses épaules avaient perdu leur souplesse et leur couleur. Son corps gracieux s'était raidi, métallisé sous les lèvres de son père. Oh, malheur et désolation! Victime de la passion insatiable de Midas pour les richesses, Marie n'était plus qu'une statue d'or. Ses yeux fixes avaient encore le regard inquiet et suppliant. Une expression d'amour, de douleur et de pitié restait empreinte sur son visage immobile, et c'était à la fois la vue la plus douce et la plus déchirante que l'on put contempler tous les traits de Marie d'or, dans leurs moindres détails, jusqu'à cette délicieuse petite fossette marquée dans son joli menton. Mais plus la ressemblance était frappante, plus le désespoir du père était navrant à la vue de cette image d'or, reste unique, hélas, de la pauvre Marie. Toutes les fois qu'il voulait exprimer sa tendresse paternelle, Midas avait coutume de dire que sa fille valait son pesant d'or. Cette phrase était désormais d'une vérité absolue, et le malheureux père reconnaissait enfin, mais trop tard, combien un cœur tendre et affectueux a plus de valeur que toutes les richesses de la terre. Je craindrais de vous offrir un tableau trop pénible si je vous décrivais comment Midas, pleinement exaucé dans tous ses désirs, se mit à se tordre les mains et à se lamenter, ne pouvant ni supporter la vue de sa fille, ni détourner d'elle son regard. Il ne pouvait croire à l'horreur de la réalité qu'en fixant les yeux sur cette ravissante petite figure, dont une larme sillonnait la joue d'or massif, et qui avait un air si compatissant et si tendre. Alors il s'arrachait les cheveux, et souhaitait d'être l'homme le plus misérable du monde entier si la perte de toutes ses richesses pouvait ramener la nuance rosée la plus légère sous les joues de sa chère enfant. En proie à tous les déchirements du désespoir, il aperçut tout à coup, debout à la porte, l'étranger mystérieux. Midas laissa tomber sa tête sur sa poitrine sans proférer une parole. Il avait reconnu la même figure qui lui avait apparu la veille, au milieu de ses trésors, et dont il avait reçu cette terrible faculté du toucher d'or. Le visage de l'étranger s'épanouissait toujours dans un sourire et répandait une lumière jaunâtre dans toute la chambre, sur tous les objets transformés au contact de Midas et particulièrement sur l'image de la petite Marie. « Eh bien, mon bon ami, dis-moi, je te prie, comment tu te trouves du toucher d'or ?» Midas secoua la tête. « Je suis bien misérable, » s'écria-t-il. « Bien misérable, dis-tu. Comment cela se fait-il donc? N'ai-je pas fidèlement tenu ma promesse? N'as-tu pas vu se réaliser tous tes souhaits? L'or n'est pas tout dans ce monde, j'ai perdu le principal objet de tous mes vœux, » répondit Midas. Ah ah, c'est une découverte que tu as faite depuis hier. Eh bien, voyons, laquelle de ces deux choses estimes-tu davantage, le don du toucher d'or ou une tasse d'eau limpide et fraîche? Oh, de l'eau, c'est une bénédiction, » s'écria Midas. Mais l'eau ne rafraîchira plus mon gosier desséché. Le toucher d'or, poursuivit l'étranger, ou une croûte de pain sec? Un morceau de pain vaut plus que tout l'or de la terre. Le toucher d'or ou la petite Marie pleine de vie, de grâce, d'amour, comme elle était il y a une heure? Oh, mon enfant, ma chère enfant! Cria le pauvre roi en se tordant encore les mains. Je n'aurais jamais donné la simple petite fossée de son menton pour le pouvoir de fondre le globe entier en un bloc massif de cette précieuse matière. « Tu es plus sage que tu ne l'étais hier, » dit l'inconnu en regardant sérieusement le roi Midas. « Ton cœur, je m'en aperçois, n'a pas été complètement réduit à l'état de lingot. S'il en eût été ainsi, la situation était en vérité désespérée. Mais tu parais encore susceptible de comprendre que les choses les plus ordinaires, telles qu'elles se trouvent sous la main de tout le monde, ont plus de prix que des richesses après lesquelles tant de gens avides soupirent si ardemment. Voyons, désires-tu avec sincérité te débarrasser de ce toucher d'or ?»« Il m'est odieux, » répondit Midas. À ce moment, une mouche vint se poser sur son nez et retomba immédiatement à terre, car l'insecte aussi était changé en or. Midas frissonna d'épouvante. « Eh bien, » fit l'étranger, « va te plonger dans la rivière qui coule au fond de ton jardin. Apporte en même temps un vase de son eau et asperge-en tous les objets auxquels tu désirais rendre leur substance primitive. Si tu le fais avec confiance, peut-être répareras-tu le malheur occasionné par ta cupidité. » Le monarque s'inclina profondément. Quand il releva la tête, la brillante apparition s'était évanouie.